Bonjour à tous, donc merci à Labila de m'avoir invité pour cette conférence. Effectivement, je suis là pour parler de Lara Croft, qui est un personnage de jeu vidéo, mais aussi qui dépasse en quelque sorte le médium vidéoludique et qui est plutôt une icône de culture populaire en général, hein. Lara Croft est reconnue par les joueurs comme par les non-joueurs, et elle est porteuse de tout un imaginaire et de toutes sortes de valeurs que je vais un peu détailler ici. Pour retracer d'abord l'origine du personnage, Lara Croft est née en 1996 dans le jeu vidéo Tomb Raider, un jeu d'aventure action, développé par Core Design et édité par Eidos Interactive. C'est un jeu qui a eu un succès phénoménal, comme vous le savez peut-être, notamment pour son caractère innovant sur le plan technique, hein, vu qu'il permettait d'explorer des environnements en trois dimensions, ce qui n'était pas encore la norme vraiment à l'époque, on était au début de la 3D. Le jeu a eu un succès phénoménal à tel point que Lara Croft est devenue le socle de toute une franchise qui a donné lieu à pas mal d'autres jeux vidéo, mais aussi des adaptations en divers produits dérivés. Alors je vais vous retracer rapidement les divers supports sur lesquels le personnage de Lara Croft s'est développé, parce que ça va m'aider à établir un peu sa biographie fictive dans un second temps. Alors, tout d'abord, on a eu une série de 6 jeux vidéo, qui ont été développés par le studio Core Design. Donc, le premier Tomb Raider en 1996, et ça a continué plus ou moins chaque année jusqu'en 2003. Ces 6 jeux ont la particularité d'avoir eu une popularité croissante puis décroissante, dans le sens où les 4 premiers jeux ont été extrêmement populaires, ont été très bien reçus par la critique comme par les fans, mais les 2 derniers jeux ont été des échecs critiques et commerciaux, à tel point que la licence a été retirée au studio Core Design et que la suite de la série de jeux a été développée par un autre studio de développeurs, à savoir Crystal Dynamics. Donc, après ces 6 premiers jeux consacrés à Lara Croft, on a eu les premiers jeux développés par Crystal Dynamics qui ont créé une sorte de trilogie dans un premier temps, Tomb Raider Legend Anniversary et Underworld de 2006 à 2008. Donc ce sont vraiment 3 jeux qui sont pensés comme un tout, hein, qui racontent une histoire en 3 parties. Et alors, parallèlement à ça, on a aussi eu une multitude de jeux sur Game Boy que je ne vais pas vous détailler parce qu'ils sont un peu secondaires, et d'autres jeux en parallèle tels que la série des Lara Croft, donc plus Tomb Raider, Lara Croft et le Gardien de la Lumière et Lara Croft et le Temple d'Osiris, qui sont un peu à part parce que c'est un gameplay différent des autres Tomb Raider, donc c'est pas les mêmes mécanismes de jeu. Voilà pour les jeux vidéo, et alors ensuite Crystal Dynamics a poursuivi dans sa lancée et a lancé un reboot de la série en 2013 qui s'appelle sobrement Tomb Raider, qui reprend donc l'histoire au début en racontant la jeunesse de Lara Croft pour montrer comment elle est devenue l'aventurière que les joueurs avaient déjà vu évoluer dans les autres jeux. Ça donc ce sont pour les jeux vidéo. Maintenant, parallèlement à ça, on a eu aussi droit à 2 longs métrages qui mettent en scène Lara Croft, en 2001 et en 2003, ainsi que diverses adaptations en bande dessinée et en roman, romans qui pouvaient venir adapter tant les jeux vidéo que les films qui étaient sortis auparavant. Et enfin, Lara Croft a aussi évolué dans des publicités. Elle a par exemple été l'ambassadrice des voitures Seat en 98 et 99, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc voilà, c'est une héroïne qui est née dans le cadre du jeu vidéo, mais qui a vraiment dépassé les frontières du jeu vidéo, à tel point que le Guinness Book de 2006 lui a attribué le titre d'héroïne de jeu vidéo qui a le plus réussi, justement pour le fait d'avoir transcendé les limites des jeux vidéo et pour être devenue une figure reconnaissable dans la société mainstream. Voilà, ça c'est pour les supports de ce personnage. Maintenant je vais rapidement vous retracer un peu son développement et ses influences. Alors, selon les dires de Toby Gard, qui est le graphiste du groupe Core Design, l'avatar du premier jeu Tomb Raider devait à la base être un homme, non pas une femme, un homme pourvu d'un chapeau et d'un fouet. Il s'agissait évidemment d'un hommage assumé au personnage d'Indiana Jones, et plus d'ailleurs que l'emprunt de personnages, les jeux Tomb Raider reprennent énormément de choses des films Indiana Jones, notamment vraiment le schéma narratif. On retrouve dans les jeux et dans ces films la même exploration d'espaces exotiques, la même résolution d'énigmes qui passe souvent par la récupération d'un objet mystérieux, d'un artefact. On retrouve la découverte d'anciennes civilisations, d'où surgit souvent la magie, le merveilleux, le fantastique, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, Cette influence d'Indiana Jones sur les jeux Tomb Raider se marque par un clin d'œil présent dans le premier jeu, à savoir le fait que dans le manoir de Lara Croft, dans le premier jeu Tomb Raider, on pouvait trouver l'Arche d'Alliance, qui est donc l'objet qui est censé contenir les 10 commandements, et que Indiana Jones recherche dans les aventuriers de l'Arche perdue. Voilà, donc finalement, les développeurs ont décidé d'opter pour un personnage féminin, mais Lara Croft continue de partager avec Indiana Jones pas mal de traits de caractère, leur goût pour l'aventure, évidemment, mais aussi leur assurance, leur humour nonchalant fait de punchlines bien senties, leur talent pour le combat, leur indépendance, ce sont tous les deux des héros plus ou moins solitaires, et aussi leurs connaissances assez éclectiques qui vont des anciennes mythologies au pilotage d'avion ou à l'escalade. Donc, l'inspiration originale de Lara Croft, c'est évidemment Indiana Jones, mais à partir de ça, les développeurs ont décidé de faire un personnage féminin et sont passés par différents designs pour aboutir dans une jeune femme qui devait à la base être hispano-américaine et s'appeler Laura Cruz, et donc pas encore Lara Croft. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils ont décidé de changer l'origine du personnage pour en faire une anglaise, et que son nom est donc devenu Lara Croft. Alors, pour finir sur le développement du personnage, vu qu'il est difficile de parler de Lara Croft sans parler de son corps, la légende voudrait que Toby Gard ait accidentellement augmenté la taille de la poitrine de Lara Croft de 150% pendant le développement, donc en faisant une autre manipulation, et que finalement l'équipe de développement ait trouvé que c'était mieux ainsi. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment accidentel, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le raconte. Voilà, pour son développement, mais en fait, même après sa première apparition, donc même après avoir été fixé, le personnage de Lara Croft a continué de beaucoup évoluer, et a pu prendre des visages assez différents en fonction de ses différentes apparitions. Donc Lara Croft, étant une icône, est presque indépendante des histoires qu'on raconte sur elle, finalement. Ça reste un personnage reconnaissable malgré les mutations que subit sa biographie fictive. Je vais toutefois essayer de vous retracer rapidement sa biographie et l'évolution de cette biographie. Alors, dans les 6 premiers jeux, donc dans la série de jeux vidéo qui a été développée par Core Design, on sait finalement assez peu de choses sur Lara Croft. Donc, en jouant, on apprend que c'est une archéologue, une aventurière, on apprend qu'elle est riche, mais finalement, on sait peu de choses de plus. Et alors il faut aller se tourner vers les livrets qui accompagnaient les jeux vidéo pour avoir un petit peu plus de détails. Dans ces livrets, on apprend donc que c'est la fille d'un aristocrate anglais qui s'appelle Lord Henshingly Croft, qu'elle a grandi et a été éduquée dans le milieu aristocratique, mais qu'à l'âge de 21 ans, elle a été prise en revenant d'un séjour au ski. Elle a été victime d'un crash d'avion qui l'a fait s'écraser au cœur de l'Himalaya, et elle a dû survivre seule pendant 2 semaines. Et donc ce serait cette expérience qui l'aurait changé, qui lui aurait donné le goût de l'aventure et de l'archéologie. En revenant, donc, elle ne serait pas restée dans ce milieu aristocratique qui lui pesait, se serait lancée à l'aventure, ce qui aurait occasionné que ses parents l'ont déshéritée. Et c'est en racontant ses voyages, en publiant ses journaux d'aventure, qu'elle aurait subsisté et qu'elle se serait fait connaître. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les 6 premiers jeux, ça reste assez minime. Il y a juste le quatrième jeu, qui s'appelle Tomb Raider, la révélation finale, ajoute un tout petit détail, dans le sens où on fait la connaissance du personnage Werner von Kroy, qui aurait joué pour Lara Croft un rôle de mentor, donc c'est un archéologue célèbre, avec lequel elle aurait voyagé à 16 ans. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait, et on connaît peu de personnages proches de Lara Croft, finalement, dans ces 6 premiers jeux. Alors, plus ou moins au même moment que les 2 derniers jeux de cette première série, paraissent également les 2 longs-métrages, donc en 2001 et en 2003, qui mettent en scène Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft. Et ces 2 longs-métrages vont quelque peu modifier le personnage, dans le sens où, dans les jeux, les parents de Lara Croft sont bien vivants, puisqu'ils l'ont déshérité. Tandis que dans les films, on présente une Lara qui est orpheline. Elle a perdu sa mère très jeune, et son père, qui ici est non seulement un aristocrate, mais aussi lui-même un archéologue, et qui a joué le rôle de mentor pour Lara, son père a disparu dans des circonstances assez mystérieuses. Et ça va être notamment l'intrigue du premier film que de découvrir les circonstances précises de sa mort. Donc voilà, on a une Lara orpheline, et le deuxième long métrage se situe dans la continuité du premier, donc c'est le même personnage. Mais on ajoute un autre personnage du passé de Lara Croft, qui s'appelle Terry Sheridan, que vous voyez ici, qui est un ancien marine devenu mercenaire et qui aurait entretenu avec Lara une relation passionnelle. Voilà, donc on passe d'une Lara Croft dont on ne sait pas grand-chose à une Lara Croft orpheline. Dans un troisième temps apparaît donc la trilogie de Crystal Dynamics, qui de nouveau va remodeler le personnage en réagençant un peu d'une autre manière les éléments qui avaient été posés. Dans le sens où, ici, Lara n'a pas été victime d'un crash d'avion à 21 ans, mais plutôt à 9 ans. Et on a vraiment les détails de ce qui s'est passé. Donc elle se serait écrasée à 9 ans avec sa mère, au cœur de l'Himalaya toujours. Sa mère et elle se seraient réfugiées dans un temple bouddhiste abandonné, dans lequel elles ont trouvé une espèce de dispositif étrange sur lequel était plantée une épée. Et sa mère, en retirant l'épée, s'est fait happer dans un portail qui l'a emmenée on ne sait où. Alors ça, c'est ce qui est raconté dans le jeu Tomb Raider Legend, qui est le premier de la trilogie. Et à la fin de ce premier jeu, Lara apprend que sa mère n'était pas morte, mais a été envoyée à Avalon. Ce qui va donner du coup l'intrigue pour la suite de l'histoire, dans le sens où Lara Croft va partir à la recherche d'Avalon et essayer de retrouver sa mère. Elle y parvient dans Tomb Raider Underworld, qui est le dernier jeu de la série, mais le problème c'est que sa mère n'est plus humaine, elle a été transformée en une créature morte-vivante, et Lara doit donc l'achever, et c'est plus ou moins sur ça que se termine l'histoire. Donc, dans cette trilogie, on approfondit un peu le passé de Lara Croft, on en apprend plus sur sa famille, sur la construction de sa psychologie, et on fait notamment la connaissance de personnages qui sont des proches de Lara Croft, ce qui n'était pas tellement le cas dans les autres jeux, où les personnages secondaires étaient plus des figurants. Donc on apprend à connaître son majordome, ses amis, notamment aussi la personne ici à gauche, Amanda Evert, qui est son ancienne meilleure amie, mais qui va jouer aussi le rôle d'antagoniste dans les jeux, donc ce sont un peu des amis ennemis. Donc voilà, on a plus un développement psychologique un peu plus détaillé. Et enfin, ça aboutit dans le reboot de 2013, donc le dernier Tomb Raider, qui reprend, comme je l'ai dit, l'histoire à zéro. On présente vraiment une nouvelle Lara Croft dans ce dernier jeu. Ici, on fait sa connaissance à 21 ans, alors qu'elle est encore étudiante en archéologie, et qu'elle part à l'aventure avec sa meilleure amie, mais aussi son mentor, Conrad Ross, et d'autres amis et collègues qui ont un rôle, somme toute, assez anecdotique dans l'histoire. Donc ils partent tous à bord du navire L'Endurance pour aller partir à la recherche du royaume perdu de Yamatai, qui est une île japonaise légendaire sur laquelle aurait régné la reine Himiko, qui est une reine qui aurait été dotée de pouvoirs magiques. Le problème, c'est qu'en approchant de l'île de Yamatai, le bateau est pris dans une violente tempête, et s'échoue sur le rivage, si bien que Lara est séparée de ses compagnons et va devoir affronter pas mal d'épreuves assez dures. Vous voyez que les décors sont autrement plus glauques que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Et notamment, elle va devoir affronter les habitants de l'île qui forment une espèce de secte dédiée à la reine Himiko. Secte assez violente et barbare, qui procède à des sacrifices humains, à de la torture et ainsi de suite. Elle doit combattre tout ça pour retrouver ses compagnons d'abord, et puis dans un deuxième temps pour sauver sa meilleure amie, Sam, qui s'est fait enlever par Mathias, le chef de la secte, qui veut la sacrifier pour permettre à Himiko de se réincarner. Donc Lara va devoir sauver son amie, combattre la reine Himiko, et puis finalement quitter l'île, mais bien décidée à poursuivre ses aventures et à découvrir les autres mythes qui parsèment la planète. Donc, en gros, ce dernier jeu prend vraiment le parti de retracer la construction du personnage de Lara Croft, de montrer comment elle est devenue l'aventurière forte et indépendante que les autres jeux mettaient en scène. Et effectivement, la Lara qu'on voit dans ce dernier jeu est loin d'être une combattante accomplie. C'est une jeune femme qui est très effrayée, qui manque de confiance en elle, qui ne se sort des situations que vraiment de justesse. Et le but, c'est vraiment de montrer à quel point toutes ces épreuves très dures qu'elle va subir lui ont forgé le caractère, alors qu'elle n'était pas encore une héroïne. Donc, ce que voulaient faire les concepteurs, c'était finalement d'humaniser Lara en la rendant moins froide, mais aussi en la rendant plus vulnérable. Alors, ce jeu Tomb Raider a eu beaucoup de succès. Il a vraiment redonné ses lettres de noblesse à la série qui battait un peu de l'aile à ce moment-là. Mais le traitement du personnage de Lara en particulier, et notamment le fait qu'on l'a rendue plus vulnérable, ça a suscité des prises de position assez diverses. Je vais pas mal revenir là-dessus tout à l'heure. Mais donc, pour conclure cette première partie biographique, on voit que ce qui fait l'essence du personnage de Lara Croft, c'est pas tellement son histoire ou son passé, puisque c'est variable, mais c'est plutôt une série d'éléments types qui permettent de l'identifier et qui sont des sortes d'invariants d'un jeu à l'autre. Donc parmi ces invariants, il y a son physique, donc ses courbes avantageuses, sa longue natte et ainsi de suite. Il y a sa paire de fusils, son appartenance à l'aristocratie, son talent pour le combat et l'escalade, entre autres choses. Son goût pour l'aventure, aussi son humour, même si c'est un peu moins présent dans le dernier Tomb Raider. Donc voilà, il y a une série d'éléments qui la définissent, et tout le reste, à savoir son passé, sa famille, ses amis, ses motivations, tout le reste est variable et ne rentre pour ainsi dire pas tellement dans la construction du personnage. Donc, Lara Croft est un peu par nature un personnage qui est tronqué. C'est un archétype que chacun peut venir compléter avec un background différent. Un personnage creux qui, du coup, peut s'adapter à toutes sortes de récits et toutes sortes d'univers fictionnels. Donc, en d'autres termes, c'est un peu un avatar par excellence, puisque les avatars sont à la fois des personnages et des outils pour explorer un univers ludique. Voilà pour la présentation du personnage. Toutefois, il y a une caractéristique de Lara sur laquelle je ne me suis pas encore beaucoup attardée et qui est quand même assez spécifique, à savoir le fait que c'est une femme. Et effectivement, donc Lara Croft est un avatar féminin qui apparaît à un moment où les avatars féminins sont encore très très minoritaires, très rares. À un moment aussi où les jeux vidéo se calquent très généralement sur le schéma de la demoiselle en détresse. Donc ils mettent en scène des personnages masculins qui partent sauver leur petite sœur, leur petite amie ou la princesse. Et donc le rôle de la femme reste passif, c'est le rôle de l'objet de la quête ou de la récompense. Donc Lara Croft apparaît dans ce contexte, ce n'est pas la première héroïne de jeux vidéo. On peut citer notamment Samus de Metroid, qui est sorti en 86, donc 10 ans avant le premier Tomb Raider. Qui avait la particularité d'être recouverte d'une armure pendant tout le jeu, si bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient même pas au courant que c'était une femme, puisqu'il faut finir le jeu assez rapidement pour obtenir une fin supplémentaire qui permet de la voir retirer son armure, et donc de découvrir le personnage. On peut citer aussi Chun-Li de Street Fighter 2 et Peach dans Super Mario Bros. 2, qui sont des personnages jouables, mais qui ne sont pas vraiment des héroïnes, parce que ce sont des personnages jouables parmi d'autres. On peut citer Terra de Final Fantasy VI en 94, mais de nouveau, c'est un des personnages principaux, mais c'est pas la seule héroïne. Donc voilà, Lara Croft n'est pas la première héroïne de jeux vidéo, mais c'est quand même une des plus connues et une des plus marquantes dans l'histoire du jeu. Alors je voudrais ici faire une petite parenthèse pour vraiment vous situer le contexte dans lequel Lara Croft vient s'intégrer. Je viens effectivement dire que en 1996, les avatars féminins étaient très rares. Mais du coup, qu'en est-il aujourd'hui? Il faut bien avouer que les avatars féminins sont plus nombreux. Il y a même pas mal de jeux qui proposent de choisir entre un avatar masculin et un avatar féminin. Je vous ai mis l'exemple de Pokémon à gauche et de World of Warcraft à droite, ici, qui, comme la plupart des jeux de rôle en ligne, permet de choisir le sexe de son avatar et de le customiser. Donc, ils restent plus nombreux, mais ils restent toujours incroyablement minoritaires. Alors, l'explication de l'industrie pour expliquer ce caractère minoritaire des avatars féminins, c'est qu'apparemment, les jeux qui mettent en scène des héroïnes se vendraient moins bien. Le problème, c'est qu'il y a des enquêtes qui ont été menées là-dessus qui montrent que, en vérité, l'industrie investit beaucoup moins d'argent dans la promotion des jeux qui mettent en scène des personnages féminins. Donc, en gros, ils ont des préconceptions qui font qu'ils pensent que le jeu ne va pas se vendre, du coup ils n'investissent pas dedans, du coup le jeu effectivement ne se vend pas, et ça vient renforcer leur préconception. Donc voilà pour le contexte, on reste dans un milieu où il y a très peu d'avatars féminins, et quand les jeux sont produits, s'adressent vraiment aux femmes, et sont produits pour les femmes avec des avatars féminins, c'est généralement assez affligeant. Alors, je vous ai mis l'exemple ici de la série des Léa Passion, qui sont des jeux donc destinés aux jeunes filles qu'on peut jouer sur Nintendo DS, qui permettent de jouer par exemple à s'occuper d'un bébé entre autres choses. Et je voudrais vous lire la critique qu'en fait le magazine Canard PC parce que je la trouve assez drôle. Donc il parle d'abord de Léa Passion Bébé et puis poursuivent en disant « La série entière est du même acabit. Les autres passions de Léa, la cuisine, la décoration, la gymnastique, le mariage, la mode. Parmi les professions proposées, on trouve star, de cinéma, de la pop, maîtresse d'école et vétérinaire. Notez que pour ces deux dernières, au moins, il faut avoir fait des études supérieures. À Kaboul, on frôlerait la subversion. » Donc, voilà, pour vous situer un peu, d'une part, il n'y a pas beaucoup d'avatars féminins, d'autre part, quand il y en a, ça ne vole pas très haut. Du coup, Lara Croft apparaît dans ce contexte comme une véritable exception, d'une part parce que les jeux Tomb Raider se sont extrêmement bien vendus, mais aussi parce que c'est une figure de femme forte, à laquelle on peut avoir envie de s'identifier. Toutefois, la position que Lara Croft occupe dans ce milieu du jeu vidéo a pu être lue vraiment de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a une lecture optimiste et une lecture pessimiste. Je vais vous présenter un peu les deux. La lecture optimiste, c'est que Lara Croft est une figure féministe, dans le sens où elle introduit la femme dans une culture ludique qui était jusqu'alors dominée par la représentation masculine, comme je viens de le dire. Donc, non seulement elle offre un renouveau dans l'expérience de jeu, puisqu'elle permet d'explorer un univers ludique à travers le corps d'une femme, mais en plus, elle offre la possibilité aux joueuses d'incarner un personnage auquel elles peuvent davantage s'identifier. Voilà pour la lecture positive. La lecture plus pessimiste, c'est que Lara Croft, le design du corps de Lara Croft, ne s'adresse pas vraiment aux joueuses pour leur offrir un avatar dans lequel elles pourraient s'incarner. C'est un design qui s'adresse avant tout à un public masculin. Il a été taillé pour répondre aux désirs des joueurs. Et Lara Croft est moins pensée comme un personnage que comme un objet de désir, justement. Je vais vous lire ici ce qu'en dit la critique Marlar, qui est une critique de jeux vidéo féministe dont je vous conseille les articles. Elle en dit donc « Elle a été modelée avec amour pour flatter l'œil du joueur masculin hétéro, et lorsqu'interrogée sur ses raisons pour faire d'une femme l'héroïne d'un jeu d'aventure à la troisième personne, son créateur, Toby Gard, répondit « Si le joueur va regarder un cul pendant des heures et des heures, autant que ce soit un joli cul. » Donc, on voit bien que le personnage a quand même été pensé par et pour un certain un public masculin. Et alors bon, ça se voit vraiment d'ailleurs dans tout le marketing qui est fait autour du personnage, mais je ne vais pas pouvoir détailler ça. Donc ça, autour du personnage de Lara Croft se cristallisent vraiment ces deux interprétations. Le fait est que c'est à la fois une héroïne, un avatar, qui est sujet de son propre jeu, de sa propre histoire, et à la fois un objet, qui est pensé comme un objet pour le regard, pour le désir, et comme un objet de jeu. Du coup, elle a pu être lue tantôt comme une icône féministe, tantôt comme une représentation aliénante pour la femme, et je vais vous retracer un petit peu les arguments des deux lectures, et vous montrer quelques cas qui ont été analysés par l'une ou l'autre lecture, pour vous montrer toute l'ambiguïté du personnage, finalement. Alors, la première lecture, c'est que Lara est une icône féministe, puisqu'effectivement, en plus d'être une héroïne, c'est une figure de femme forte, une digne représentante du girl power, puisque d'une part, c'est le personnage central de ces jeux, les autres personnages sont vraiment en général des figurants plutôt passifs, mais en plus, c'est une femme de pouvoir, qui est plus forte que les hommes qui l'entourent. Notons d'ailleurs que beaucoup d'antagonistes dans les jeux Tomb Raider sont aussi des femmes, donc ce sont des univers assez féminins, ça c'est intéressant. En outre, Lara Croft est vraiment une figure qui s'éloigne en tout point de la demoiselle en détresse, elle n'a pas besoin d'être sauvée, c'est plutôt elle qui vient sauver. Si bien que, et je reprends ici les mots d'Hélène Kennedy, c'est une figure qui est transgressive puisqu'elle refuse les valeurs patriarcales et les normes de la féminité telles qu'on se les représente traditionnellement. Alors, un exemple qui montre cette dimension plutôt féministe de Lara peut être trouvé dans le premier long-métrage Tomb Raider, qui est donc sorti en 2001, où c'est le personnage de Daniel Craig qui va jouer le rôle de la demoiselle en détresse. Donc Daniel Craig, qui joue par ailleurs James Bond, mais qui ici joue un personnage d'archéologue qui a vraiment un rôle passif dans l'histoire, il ne fait pas grand-chose. Il va être poignardé à la fin du film par l'antagoniste, et c'est ce qui va servir de motivation à Lara pour récupérer l'objet de la quête qui permet de remonter le temps et qui va lui servir à sauver Daniel Craig. Donc c'est lui, la demoiselle en détresse du film, et Lara qui vient le sauver. Une autre dimension de Lara Croft qui va un petit peu dans cette dimension, dans cette optique féministe, c'est que il y a très peu d'intrigues romantiques qui sont racontées autour de ce personnage, donc elle prend généralement peu part à des romances, on sait peu de choses de ces histoires amoureuses s'il y en a, ce qui va un peu dans le sens de créer un personnage assez indépendant. Lara Croft est une femme qui n'a pas besoin de s'insérer dans une histoire d'amour pour exister, ce qui va vraiment à l'encontre de toute la représentation de la femme dans le jeu vidéo en particulier. D'ailleurs, le fait qu'il y ait très peu d'histoires d'amour racontées autour de ce personnage a permis aux fans de faire des conjectures sur ses préférences sexuelles, et notamment après la sortie du reboot de 2013, où il y a une relation forte qui est créée dans le jeu entre Lara et son amie Sam, qu'elle va sauver, donc à la fin du jeu, c'est pour la sauver qu'elle subit toutes les épreuves. Bah, tout ça, ça a poussé les fans à imaginer des histoires d'amour entre ces deux personnages, qui sont plus ou moins suggérées par le jeu. Du coup, ceci étant dit, le deuxième film de Tomb Raider, celui qui est sorti en 2003, constitue à ce titre une espèce de trahison par rapport au personnage, puisqu'il met en scène une histoire passionnelle entre Lara Croft et Terry, comme je l'ai dit. Et d'autant que dans ce deuxième film, Lara Croft va jouer le rôle de la demoiselle en détresse, dans le sens où à la fin du film, elle se retrouve en mauvaise posture face à l'antagoniste, et c'est Terry, en chevalier servant, qui va venir la sauver. Donc là, on perd un peu le personnage, puisqu'elle elle devient dans ce deuxième film un personnage assez passif, assez transparent. Elle se fait en quelque sorte voler la vedette de son propre film. Mais bon, genre, pour en finir avec la lecture optimiste, Lara Croft ouvre quand même une brèche dans les représentations traditionnelles de la femme au sein du jeu vidéo. Toutefois, malgré toutes ses qualités, Lara Croft n'en reste pas moins une caricature de femme hypersexualisée et conçue en fonction d'un regard masculin, je l'ai dit. Quelque chose qui témoigne de ça, c'est qu'au fil des épisodes, son corps s'est progressivement distordu, dans le sens où les journalistes faisaient souvent la blague de dire que sa poitrine prenait un bonnet à chaque nouveau jeu, et ce n'est que dans les jeux vraiment plus récents, et notamment dans le reboot de 2013, qu'elle a repris des proportions plus humaines. Je vous lis ici d'ailleurs ce qu'en dit Anne-Marie Schleiner, qui résume ça en disant que Lara Croft est la progéniture monstrueuse de la science, une femme éternellement jeune, un automate idéalisé, une technopoupée malléable, bien formée, créée par et pour le regard masculin. Effectivement, sous certains aspects, Lara Croft tient plus du fétiche que du personnage, notamment quand on pense à tous les accessoires qui l'accompagnent, l'étui à fusil en porte-jartelle, les mini-shorts, sa longue natte, et ainsi de suite. D'ailleurs, pour un peu illustrer ça, j'ai vanté la dimension féministe du premier film Tomb Raider, mais cet aspect du personnage qui a été taillé pour le regard du spectateur y est quand même présente. Il y a par exemple une interminable scène de douche, dans laquelle Angelina Jolie prend sa douche donc de manière très sensuelle, donc on voit bien qu'il y a quand même du fanservice. Un autre exemple de cette attention qui est portée au corps de Lara Croft, c'est que le personnage est régulièrement incarné par des mannequins officiels, donc engagés par les studios, pour jouer le rôle de babes lors des salons du jeu vidéo. Donc elles viennent présenter les produits, faire des photos avec les joueurs, et ainsi de suite. Et enfin, indépendamment du marketing et du contenu des jeux, le fait que les joueurs ont porté beaucoup d'attention au corps de Lara Croft se marque notamment dans le mythe qui s'est développé autour du jeu, à savoir le mythe du nude raider, qui consistait à dire à l'époque qu'il existait un code permettant de jouer avec Lara Croft nue. C'était véritablement un mythe, il n'y avait pas de tel code, mais les joueurs ne se sont pas laissés abattre par ça et ont créé eux-mêmes leur propre patch qui permettait sur le jeu, la version ordinateur du jeu, de déshabiller Lara Croft et de jouer avec elle nue. Donc, voilà, elle reste quand même un corps offert aux joueurs. Alors, je voudrais m'attarder un peu plus sur le dernier jeu, donc le dernier Tomb Raider, le reboot de 2013, pour montrer justement comment il a pu être lu par les deux lectures polarisées que je viens de présenter. Alors j'ai dit que dans ce jeu, on développait vraiment le background de Lara, on développe sa psychologie, on en apprend plus sur son passé, sur sa construction et ainsi de suite. Et justement, cette construction du personnage a pu être lue des deux manières. Dans le sens où pour certains, le fait qu'il n'existait pas de développement narratif autour du personnage dans les premiers jeux, ça allait plutôt dans le sens d'une réification de Lara. Donc vu que le joueur ne connaissait pas grand-chose sur elle, ça ne permettait pas de se la représenter comme une humaine, et on ne voyait en elle finalement qu'un corps et qu'un objet de jeu. Du coup, selon cette perspective, la complexification du personnage dans le dernier opus est venue corriger ce problème, en présentant une Lara plus humaine pour laquelle on peut avoir de l'empathie. Donc je vous ai mis ici une citation de Esther McCallum-Stewart qui parle d'elle en disant qu'elle a été introduite aux joueurs comme un personnage plus complexe, plus émouvant, plutôt que comme une héroïne d'action porte-flingue. Et ce qui vient un petit peu corroborer cette interprétation, c'est l'évolution du corps de Lara dans ce dernier opus, où on voit qu'elle reprend des proportions un peu plus normales. Il y a aussi beaucoup d'attention qui a été portée à l'animation de son visage pour la rendre justement plus expressive. Et elle-même est plus expressive durant les phases de jeu, donc elle exprime sa détresse face aux actions difficiles à réaliser, ou elle se lance des phrases d'encouragement avant un saut difficile, comme je peux le faire, et ainsi de suite. Donc effectivement, elle est plus expressive et elle suscite pas mal l'empathie. Mais d'un autre point de vue, le peu d'informations qui étaient livrées sur le personnage dans les premiers jeux Lara Croft peut aussi être vu comme le moyen d'une plus forte identification au personnage. Dans le sens où l'absence de caractérisation permet au joueur de mettre en route son propre imaginaire, de venir compléter les vides scénaristiques par sa propre subjectivité, par sa propre présence. Donc un personnage trop caractérisé, à l'inverse, ça ne permet pas d'établir cette relation d'incarnation du personnage. Et du coup, en humanisant Lara dans le dernier opus, les développeurs ont réduit les prises qui permettent aux joueurs de se l'approprier, finalement. Et ça a produit une distanciation qui, en fait, était totalement consciente et voulue de la part des développeurs. Et je vais vous lire ici une prise de parole de Ron Rosenberg, qui est le producteur exécutif de Crystal Dynamics, qui présente le jeu en disant « Quand tu vois Lara face à ses obstacles, tu te prends d'affection pour elle, peut-être plus que tu ne te prendrais d'affection pour un personnage masculin. Quand les gens jouent Lara, ils n'ont pas vraiment envie de se projeter eux-mêmes dans le personnage, ils sont plutôt « j'ai envie de la protéger ». Ça instaure cette dynamique, je pars à l'aventure avec elle et je vais essayer de la protéger. Cette capacité à la voir comme une humaine est plus attirante pour moi que la version sexualisée d'auparavant. En partant de rien, elle devient une héroïne. On la construit petit à petit et juste quand elle prend confiance en elle, on la brise à nouveau. Elle est vraiment transformée en un animal acculé, c'est un grand pas dans son évolution. Elle est forcée à se battre ou mourir. Je vais prendre un petit peu l'analyse qu'en fait la critique Marlar, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ce discours, ça montre vraiment que les concepteurs ne considèrent pas un instant que le joueur ou la joueuse puisse vouloir incarner le personnage de Lara Croft. Donc c'est plus du tout le sujet actif de son jeu, elle devient l'objet passif des attentions du joueur. Joueur qui est censé adopter une position de protecteur vis-à-vis d'elle. Et donc, je reprends toujours les termes de Marlar, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est un espace fictionnel où les hommes sont incarnés et où les femmes sont mises en scène. Donc un personnage féminin n'est pas incarné, il est regardé, et ça ne vient même pas à l'esprit des concepteurs qu'on puisse vouloir vraiment l'incarner. Le personnage n'a de la valeur qu'en tant qu'elle excite les pulsions protectrices de chevalier blanc du joueur. Et quant aux joueuses, c'est pas vraiment pris en compte. Voilà pour un premier point. Dans le prolongement de ce débat, toute la violence qui est subie par Lara dans le dernier jeu, donc toutes les épreuves très dures qu'elle va subir, toute sa souffrance, ça a pu être vu comme étant une manière originale de détruire une figure canonique pour mieux la reconstruire. Mais le problème que pose cette représentation, c'est que la violence qui est subie par Lara est quand même assez érotisée et assez sexualisée, par ses poses, par ses gémissements. Donc on voit que le personnage est traité d'une certaine manière parce que c'est un personnage féminin, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres jeux d'aventure qui mettent en scène des personnages masculins. Je voudrais vous montrer la bande-annonce du reboot de Tomb Raider pour que vous voyez un petit peu ce traitement du personnage. Alors, je suis désolée, je vous préviens, elle est assez violente. C'est presque un medley de toutes les images les plus violentes du jeu. Mais vous allez vite voir. C'est donc après que son bateau se soit échoué sur l'île de Yamagata. Bon voilà, la bande-annonce continue un peu par la suite, mais on a vu le plus important. Quoi qu'il y a quand même quelque chose d'assez dérangeant dans le traitement du personnage, de la souffrance du personnage en particulier, surtout si on la compare à la manière dont elle est traditionnellement représentée dans les jeux mettant en scène des personnages masculins, à qui on ne verrait jamais ce genre de choses arriver. Alors il y a une scène en particulier qu'on a vue dans la bande-annonce qui a particulièrement cristallisé le débat, à savoir la scène d'une tentative de viol de Lara par l'un des antagonistes. La scène est l'occasion pour les développeurs de justifier le premier meurtre de Lara Croft, qui n'aura d'autre choix que de tirer sur son antagoniste, sur son agresseur, pour s'échapper. Mais le problème, c'est que mettre... La présence du viol dans la construction identitaire du personnage féminin, ça témoigne d'une sorte d'incapacité à concevoir une femme qui serait tout simplement forte. Donc c'est un peu comme si la force de caractère de Lara Croft ne pouvait exister d'elle-même et devait être justifiée par un récit qui la pose d'abord en tant que victime vulnérable. Donc là où le parcours d'un personnage masculin traditionnel serait plutôt marqué par la perte d'un proche, ou l'enlèvement de la petite sœur, de la petite amie, et ainsi de suite, qui serait donc l'événement qui le pousserait à partir à l'aventure. Contrairement à ça, le viol, dans le cas du personnage féminin, apparaît comme, je reprends ici les mots de Laurie Penny, l'expérience traumatique mais ultimement salutaire par défaut qui viendrait expliquer l'héroïsme du personnage. Et je continue de citer Laurie Penny qui dit « C'est presque comme si l'agression sexuelle était comprise comme une part immuable de la culture humaine, douloureuse mais inévitable, un peu comme la première rupture amoureuse. » Et puis alors elle ironise en disant « Qu'est-ce qui fait d'une femme une personne développée ? La violence sexuelle, bien sûr. Qu'est-ce qui fait d'elle un personnage crédible, empathique ? Le viol. Les femmes ne peuvent juste pas être fortes, être nées fortes et sûres d'elles. » Voilà pour l'analyse de cette scène en particulier. Et en fait, elle a vraiment déchaîné les prises de position dans le milieu journalistique et critique. Mais pour comprendre vraiment toute l'ampleur du débat, finalement, ça montre que pour comprendre l'ampleur du débat, il faut un petit peu prendre du recul par rapport aux jeux et envisager leur réception et envisager le milieu dans lequel ils prennent place. Donc, le contenu des jeux et des films n'est pas suffisant pour trancher sur le caractère féministe ou non féministe de Lara. Pour comprendre vraiment tout le sens de ce débat, il faut envisager le milieu dans lequel Lara Croft évolue, à savoir le milieu du jeu vidéo. Or, et j'en suis la première désolée, le jeu vidéo demeure encore aujourd'hui un milieu profondément sexiste. Et je vous renvoie de nouveau à la critique Marlar, dont j'ai écrit le nom ici, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Le sexisme ambiant se marque dans le contenu des jeux, et j'en ai déjà un peu parlé, puisque le caractère stéréotypé du corps de Lara est vraiment loin d'être une exception. Les représentations de femmes dans les jeux vidéo sont très rarement neutres, contrairement à celles des hommes. On y retrouve des représentations qui seraient un peu jugées dégradantes dans la plupart des autres médias. Donc par exemple, des femmes comme ça, on en trouve en cinéma, mais c'est plutôt dans les films de série B, alors qu'ici, on les retrouve dans des jeux qui sont d'excellente qualité pour le reste. Donc, voilà, ça se marque dans le contenu des jeux, ça se marque dans le discours de l'industrie, comme en témoigne cette belle publicité pour la PlayStation Vita, qui dit donc « deux faces tactiles, deux fois plus de sensations » et montre un buste de femme sans tête, mais avec deux paires de seins. Donc on voit où sont les priorités et on voit aussi à qui s'adresse le discours. Et enfin, le sexisme ambiant se marque malheureusement aussi dans le discours critique et journalistique, qui ne se met pas du tout contre les représentations dominantes, et qui au contraire vient plutôt les renforcer. Alors il y a un journal qui a beaucoup fait parler de lui, justement, dans ce contexte-ci, qui est Joystick, parce qu'ils ont publié, bon, notamment ce dossier consacré autour de poitrine de Lara Croft pour déplorer le fait qu'elle fond dans les derniers opus. Donc c'est déjà... ça ne vole déjà pas très haut, mais ils se sont surtout fait remarquer pour l'article qu'ils ont fait sur le reboot de 2013, qui est tellement empreint de sexisme que ça dépasse vraiment de loin la simple maladresse. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout analyser avec vous, je vais juste vous citer 2-3 passages pour que vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts. Par exemple, le critique, donc, dans ce test, présente le reboot en disant que c'est une remise à plat de toute la série, comme une punition à l'encontre d'une héroïne Starlet qu'il faut remettre à sa place, quitte à l'humilier et à la souiller sans aucun ménagement. Ça, c'est l'image que j'avais du jeu avant de le voir, puis un peu plus loin. Et la séquence entrevue n'a fait que confirmer ma prédiction de gros vicelard. Oui, Lara prend chair dans Tomb Raider, titre brut de décoffrage. Et oui, tout cela est concocté sciemment des mains de tous ces pervers qui officient en tant que développeur chez Crystal Dynamics. Mais ça tombe bien, pervers, je le suis aussi. Donc, on voit bien ce qui cloche dans ce discours, c'est que Lara Croft est une femme trop forte, trop indépendante, trop sexy, et ça dérange l'auteur qui trouve qu'il faut la remettre à sa place, sous-entendu de femme, quitte à l'humilier et la souiller sans ménagement. Je reprends ici les termes de l'article. Le vocabulaire évoque explicitement celui de l'agression sexuelle, donc il se présente comme un gros vicelard, un pervers, etc. Et alors je vais vous citer le passage qui a été le plus critiqué de cet article, qui est la fin, où justement l'auteur parle de la scène de tentative de viol de Lara, en disant que, encore une fois, la tension sexuelle malsaine est à son comble, l'ami s'est plaqué au sol, les mains attachées dans le dos. Je ne peux pas croire que Crystal Dynamics ait obtenu ce résultat innocemment, surtout que l'ambiance sonore est saturée des gémissements de la belle et des insultes grivoises proférées par ses agresseurs. Franchement, en termes de mise en scène, Tomb Raider part dans une direction que je trouve à la fois culottée, haha, et originale. Faire subir de tels supplices à l'une des figures les plus emblématiques du jeu vidéo, c'est tout simplement génial. Et si j'osais, je dirais même que c'est assez excitant. Donc de nouveau, on voit bien que la force de Lara pose problème, qu'il faut la détruire, et que l'auteur se félicite et se réjouit finalement de participer à la punition. Ce que montre cet article, qui a été analysé vraiment en détail par Marlar, et je vous renvoie à son analyse pour plus de détails, cet article montre que malgré le fait qu'aujourd'hui 47% des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses, les femmes continuent d'être dans ce milieu et dans cette communauté, les femmes continuent d'être considérées comme des étrangères. Et Du coup, et je vais conclure là-dessus, ce n'est pas le cas pour tout, mais en termes de représentation de la femme, le jeu vidéo a quand même du retard. Il reste encore, comme beaucoup de journalistes le disent aujourd'hui, un médium adolescent. Et je pense que la critique, mais aussi les joueurs, ont un rôle important à jouer dans son évolution et dans sa maturation. Dans le sens où c'est aux joueurs qu'il revient, d'une part, de solliciter la diversification des représentations de la féminité, mais c'est aussi à eux qu'il revient d'accueillir les discours qui ne correspondent pas nécessairement aux normes qu'on leur vend depuis le début du médium. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci.